C'est ce qui nous amène à un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 10 mars 2014. David Giguère et sa chanson La Pornographie. Ouh, hein? J'ai peut-être dit avec trop d'enthousiasme. Non, non, ça va. C'est normal d'être excité pour la pornographie. Hein. C'est la raison même d'exister de la pornographie. Après ça, joyeux, méchac. Ouais. Écoutez, en spectacle 2014. Je veux que ça arrive, mais... Je porte la chemise d'une autre. Je gâche tout, hein? Juste un peu. Tout le temps. On va aller écouter Lonely Lonely Lonely. Tu vois comment on chante bien, oui. C'est ça? Catégorie interprétation de man. Oui. Dans la pire catégorie, Mathieu et Jimmy. Au retour, on reste dans la bouffe avec C'est un fait édition nourriture. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Un dernier. Miam, miam. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 11 mars 2014. C'est l'émission qu'on aimerait pouvoir allumer avec la ceinture desserrée. Oh! Et je m'appelle Mathieu Cotte. Moi, ma ceinture est bien serrée. Puis je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau. Bon, ouais, c'est dit. Bien serré. Bien serré. Même si ça me donne mal au ventre, c'est pas grave. Non. On sait ce qui est arrivé à sa mom girl il y a deux semaines. Ah, fermé? C'est fini? Oui, c'est all over. Bon, terminé. Bon, succès que j'ai sa pas mom vu ça girl. Passer. Ben non. Tiens. Ouais. Hein. T'as envoyé une lettre pour canceller ton abonnement. Oui, c'est ça. J'ai juste pas ouvert. Je suis dans le déni. On est wild. On est wild. Born to be wild. Bad to the bone, etc. Bad. Je mangerais un steak. Un T-bone. Un T-bone. Ça avait un seul but, c'est de voir comment les alligators réagissaient à certains sons. Quand on a joué un si bémol, donc un B-flat, donc c'est là que les alligators étaient le plus intéressés. Hein, ils étaient attirés. Et j'ai envie d'entendre un petit bémol juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je connais pas ça, la musique bémol. On dirait qu'on est en ronde. C'est quand même, en effet, assez séduisant. Je me demande si on va attirer les alligators. Imagine, on sort du studio et il y en a plein. Oh! Lève-le, mon alligator. Qui est là? Valérie Morissette, elle vient de Trois-Rivières et elle a étudié à l'UQTR. Elle a même eu des œuvres qui sont exposées dans l'université. Je ne me souviens plus où. À quelque part. Ouais. Moi, je sais c'est où. C'est Morissette. Morissette. Non, pardon. J'aimerais ça la rire, mais ça drôle, arrive. La rire. Ça, j'aimerais ça la rire. Vous avez une énigme et vous devez la résoudre en interviewant les comédiens. Comme dans Clue. Faut pas juste aller « Allô, fais-moi ton speech ». Non, non, non, non. Faut que tu parles avec la personne. Faut que tu fasses comme un journaliste. Oui. Ici Guy Cloutier. Non! Cloutier! Comment, Cloutier? T'as pas payé celle-là. T'es... Guy Cloutier, t'es bien. Je suis pas bon imitateur, par contre. Mais non, non, effectivement. Bon humoriste. C'est pas... Aucun des deux. Les Dead Obies. Si tu le rates, c'est pas bien grave parce que ça va repasser à la chaîne Historiap. Historique et rap. Drôle, lui. Va-t'en, c'est même pas le vrai mot qu'il y a dans. C'est même pas Ria, c'est Ria. En tout cas. En tout cas, moi je vais faire ta blague. Prudobies, Dead Obies. Comme un. Ah ouais, moi je suis un public conquis, Mathieu. On va aller écouter les Dobies. Voici Montréal Sud. Montréal Sud. Montréal Sud. Faut pas le faire à chaque sauce, là. C'est ma sauce. À chaque sauce. Don't touch my sauce. Ha, hé, ho, ha. Hé, ho, ha. Non. Ha, ho, hi. Ha, ho, hi. Ouais, ben c'est ça. Ha, ho, hi, c'est comme, comme quand t'es enceinte, là. Tu veux accoucher d'une émission de radio. On va vous masser le ventre aujourd'hui. De l'accoucher. Là, c'est pas accoucher que ça se ferait faire, ça, là. Une belle, grosse, un paquet. Un beau paquet. Voilà. De chronique. De crotique. Chronique. Café, chasse à sarrasin. Oui, c'est ça. Donc, café, ça... La chasse à sarrasin. Tu mélanges avec ton café. Ouais, un peu. J'aurais peut-être besoin. Chasse à café, sarrasin. Très beau, des crêpes de sarrasin. Jocelyne Cazin. Je suis pas sûr que j'en mangerai. Bonjour! Ah, boum, boum, boum, boum. Petit automobile! Ah, oh, ça, c'est mon émission! Quand tu respires une fleur, ça fait boum, boum dans ton cœur! La folle des mécaniques! Et tu deviens Boumou Magique! Troisième café était de trop. Monsieur, madame, tout le monde, qui disent, moi, je voudrais juste être en santé, puis que mon corps ait tous les nutriments qu'il a besoin. Fait que oui, découper, je serais pas fâchée. Non. Mais, tu sais, bon, non, non, c'est si quoi ce six-pack-là, franchement? Mais, mon objectif, il me gêne. Regardez mon chandail, là, mon six-pack me gêne. J'ai besoin de dépenser de l'argent. Que j'ai pas. Ça me brûle les poches. Que j'ai pas. Non, j'ai une poche. J'ai des poches. J'ai des poches. Voici, ça existe, ça ne devrait pas, là. Fait que t'as la poche qui brûle. Tu vises comme une fille. Mais, c'est vrai, maladroit et lance comme une fille. J'ai toutes les qualités, mesdames. T'attrapes comme une fille aussi. Aussi, je fais tout comme une fille, sauf avoir une valise. Une valise! Comme les filles du banquier. Ça s'appelle des cours de hula hooping. Puis il y a différentes formes. Il y a le hula hoop dance, le hoop yoga. Ah, OK. Et, parce que quand même. T'as le hoop side of it again aussi de Britney Spears. Une chose est certaine, par contre, on n'a pas fini de sentir les répliques du tremblement de terre pick-upé. Ou ouais. La bombe nucléaire, ou l'apocalypse, comme tu disais. L'apocalypse, ben tu sais, tout ce qu'on sait. C'est parce que Pierre-Carl Pelado, là, tu veux pas te mettre la pelle à dos, tu sais. Tu veux pas te mettre la pelle à dos. Ouais, non, c'est la pelle à dos. Ouais, non, là, c'est très bon. C'est un public facile. J'aurais toujours le petit doute à savoir est-ce qu'ils protègent leur boss au cas où qu'ils reviennent à l'Empire québécois. Si je suis très méchant avec toi, Mathieu, puis qu'à un moment donné, je deviens ton collègue de travail, ça se pourrait que tu me fasses un petit coup de pelle dans le dos, comme on dit. Une pelle à dos. Voilà, tout à fait. Oupa! La boisson au chanvre biologique a de la meilleure qualité qui soit. Manitoba Harvest offre d'autres produits nutritifs et délicieux comme les graines de chanvre écalées, l'huile de chanvre, le beurre de graines de chanvre. Fier commanditaire de l'émission Chambre en ville. Ah, celle-là est bonne. Ouais, mais je pense à ça, là. Ouais. Si PKP, là, c'est comme une bombe dans le Parti québécois, là, on va aussi être obligé d'appeler Calinette après ça? Bonne soirée. Hey, Guy Jourdouin sort de ce corps ou entre-y, si tu veux. Mais... je sais pas si t'aimes bien Guy Jourdouin. Donc, c'était notre parodie du tricheur à toute fin, comme ça. Bravo, Steph, très réussi pour compléter la semaine. C'est vraiment ce qui a terminé la petite cerise sur le Sunday morning. Ah, ben, t'es fin, c'était tout à fait spontané. C'était réussi. Donc voilà pour les instants classiques, les meilleurs moments d'assemblage requis. On trouve ça, cette émission-là, du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30 avec Stéphanie Paradis, Mathieu Plan et Jean-Philippe Chardot. Des fois. Des fois. Mais moi aussi, des fois. Ben, c'est moitié-moitié. Moi, c'est tout le temps. Vous, c'est lundi, mardi, Jean-Philippe, toi, mercredi, jeudi. Mais attention, dans deux semaines. Ça va être mêlant. On va tout être mêlés. Mm. Je pense que ça va être comme moi lundi. Jean-Philippe, mardi, mercredi, puis je reviens le jeudi. C'est ça? Je pense que oui. Tu vas faire le début et la fin de la semaine. Et lui, ouais. Ça va être le milieu, comme le centre crémeux Boston, bostonienne. Crème Boston. Mais finalement, c'est le meilleur. Ouais. Non, moi, je pense que juste la crème Boston, ça tombe sur le cœur. Ouais. Mais ça se complète bien les deux ensemble. C'est vrai. C'est quoi le petit, tu sais, le glaçage que tu mets autour d'un gâteau, mais qui est comme le fondant. Le fondant. Ça, c'est dégueulasse. J'adore le fondant. C'est dégueulasse. Je tripe là-dessus, ben, Ren. Non, c'est dégueulasse. Ça fait juste comme goûter le vieux sucre trop intense, coloré. Ils devraient en vendre à part. Chimique. Mais ils en vendent à part. Pour eux! Ouais, ça a l'air qu'ils en vendent dans l'artisanat ou Walmart. Arrête donc! Je te le dis! Ben, je te crois pas! Ben, je te le dis! Ben, je te crois pas! Ben, je te le jure! Ah, ben là, je te crée. Merci! Ils vont les champs, bravo. Guy Jourdouin, ils vont les champs. Moi, c'était Normand Bratois. Ah! Pas la même source de cette blague. Ben oui, mais c'était Yvon et Normand. Ah, c'est vrai! Non, c'était dans Saint-Didré. Ben oui! J'ai fait un gag de Saint-Didré il y a deux semaines. De quoi? Ça me dit de rire. Ben mon Dieu, tu connais pas très bien tes références, mais t'as pas replacé Normand. Non, je sais, mais il est en fait une sucre, c'est pas pareil. C'est ça. Je le reconnais pas qu'une sucre. Bref.